Le beatmaker m'a eu avec ses notes de piano, charmé par les mélodies comme les sirènes du lys dont son amène au crime. J'ai écouté, je suis tombé dans le panneau et forcément l'inspiration est atroce. J'aurais du flow en braille ou même en morse, inarrêtable quand le débit s'amorce. Inépuisable tant que vous me donnez la force de le faire, je fais ça avec le soutien de mes frères. Je fais ce qui me chante, je ne cherche pas à plaire à tout le monde, car à chercher à plaire à tout le monde très souvent on se perd. Je me sens trop différent d'eux, je ne suis pas à la recherche des strass et des paillettes, mais je n'ai pas trouvé mieux. On ne deviendra pas riche en pilotant des transpalettes. Avec le succès vers la notoriété, la notoriété prend le dessus sur l'art. L'art n'est plus ce qu'il a jadis été, et les bons artistes sont donc devenus rares. Moi je pars du principe que si l'on doit m'aimer, ce sera pour ma musique. Je préfère le contenu au contenant, ma présence sur les réseaux sera anecdotique. Il en va de même pour ces foutus médias, ils n'aimeront ce que je fais que si je paye content. Le vrai journalisme il faut plus y compter, les artistes de majeur ont pris tous les quotas. Alors je peux compter que sur moi-même, ce qu'on ne me donne pas je vais le chercher. Bien sûr mes ambitions sont lointaines, donc c'est pour croire que je suis perché. Je suis convaincu d'une chose, le talent ça n'existe pas. Le talent c'est d'avoir l'envie de faire quelque chose. Faites-moi confiance, je ne vous décevrai pas. Tu veux savoir ce que je pense? Écoute le disque compact. Ma musique parle pour moi, je me livre sur les battements du rythme. À défaut de lire sur moi comme dans un livre, tu peux me lire sur les plateformes de streaming. Je performe sans cesse, rasé, fluide, flow en souplesse. Pour quitter la thèse, chaque freestyle est une prouesse. Laisse les douter, j'ai deux fois plus dur qu'eux. Ils seront choqués quand je vais les doubler. C'est mathématique, je m'adapte comme Jarod. Faire du sale sur la prod, mathématique. Pour peser on charbonne, ce que je propose c'est de la bonne mathématique. Une belle bande de bonhommes, si aha j'a sa cogne. J'ai fait ma zik, plus qu'à attendre que Dieu donne et faire pleuvoir les sommes. Et si j'ai des ambitions de fortune, non ce n'est sûrement pas par avarice. J'ai juste compris que si j'avais pas de thune, je sortirais jamais de la matrice. Et c'est la matrice, car en tant que noix, je dois faire plus pour avoir le droit d'obtenir en un an ce que d'autres pourront avoir en deux mois. Et je ne cherche pas à me victimiser, 14 ans d'esclavage on n'oublie rien. Beaucoup cherchent donc à la minimiser ces souffrances qu'on subit au quotidien. Mais bon c'est pas en se plaignant qu'on obtiendra quoi que ce soit. Il faut agir, voilà pourquoi je charbonne jusqu'à tard le soir. Mais je fais sans stress, on me verra pas venir. Le jour où tout sera prêt, mon succès fera le bruit. Ça je l'ai dit depuis, c'est pas de la prétention. J'ai confiance, je reste ferme sur mes positions, pas ma tolérance en détention. Que les choses soient claires, y'aura pas de refrain. De la norme, moi je dérive, t'entends la prod, faut pas être devin. Forcément faut que je délivre, ouais, forcément faut que je débite. Je suis toujours dans le paysage, n'en déplaise aux sceptiques. Sur les affiches, y'a mon visage, pas de mirage. Je suis encore bel et bien présent, du KFC à la cigale. Qu'est-ce que le parcours est indécent. On a charbonné, le but c'est de pas stagner comme les autres. Ce qu'ils appellent chance, c'est juste le travail que fournissent les nôtres. C'est précis, je rends à César ce qui lui appartient. Sans le public, un artiste n'est rien. Merci.